10 minutes trop tard. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 10 minutes trop tard, par Charles Leroy. Je ne sais pas si vous avez de la chance, mais ce que je sais, c'est que je n'en ai pas. Vous en avez peut-être seulement quelques fois, mais moi, c'est raide. Jamais. Ah, ça a tenu à un rien. Si peu de choses, vraiment, que c'est incroyable. C'est parce que je suis venu au monde 10 minutes en retard. Parole d'honneur. Tenez, jugez-en vous-même. Je viens au monde le 31 décembre à 00h10. On me déclare à la mairie né le 1er janvier. Me voilà électeur 1 an plus tard. Je tire au sort 1 an plus tard, mais ce sont là des détails. Ce qu'il y a de désagréable dans mon existence, ce sont ces diables de 10 minutes qui me poursuivent partout. En pension, chaque fois qu'on m'interrogeait, je ne me souvenais de ce qu'il fallait répondre que 10 minutes après tout le monde. Je passais pour un imbécile et j'en savais cependant autant que les autres. Le jour de ma première communion, on m'avait fait beau comme un astre. Mes parents me conduisent à l'église. 10 minutes avant d'arriver, il se met à pleuvoir. Oh, mais à verse! On cherche une voiture, on finit par en trouver une, et j'arrive enfin à la messe, 10 minutes après la communion finie. Alors, comme ma famille était vexée, j'ai reçu des calottes. Du reste, quand on m'amenait quelque part, c'était toujours la même chose. Voulait-on me conduire à la campagne? Mon chapeau s'envolait, je perdais mon soulier, j'avais mal au ventre ou je cassais quelque chose à la devanture d'un marchand. Le temps de réparer l'aventure, et on manquait le train de 10 minutes. Voulait-on me conduire au théâtre? La buraliste disait que la dernière place était louée depuis 5 minutes. Si on me laissait à la maison, c'était différent. Les gens arrivaient à l'heure partout. Plus tard, quand je suis devenu libre de mes actions, ça n'a pas changé. S'il reste une place sur un omnibus, je ne cours même plus après. On la prend généralement au moment où j'empoigne la rampe. Si je veux voir quelque chose, c'est toujours fermé depuis 10 minutes. Et je n'ose pas essayer d'être en avance. Pour une fois que cela m'est arrivé, j'ai été renversé par un corbillard. Il faut en prendre mon parti, me direz-vous. Eh, parbleu, je le sais bien. Ça n'en est pas moins désagréable, car ce retard, dont je ne puis cependant être responsable, me poursuit partout et dans toutes les circonstances de ma vie. Ainsi, tenez. Je tombe amoureux d'une fille charmante, bien élevée, douce, très aimante. Les parents, que je connaissais depuis longtemps, me recevaient en amis. Je venais toujours 10 minutes en retard au dîner, c'est vrai, mais ils en riaient. Ces braves gens, ne se doutant pas que ces 10 minutes étaient une réelle infirmité chez moi. J'étais empressé près de la jeune fille. Mon intimité dans la maison me permettait certaines libertés qu'on n'aurait endurées que chez un amoureux déclaré. Je l'embrassais en la quittant. La maman souriait, on m'appelait le vieux lait. C'était charmant. Jamais, me dis-je, je ne trouverai une occasion pareille de me marier. Profitons-en. Un beau jour, je me décide à faire ma demande au papa, qui me répond « Ah, sapristi de sapristi !» Pendant longtemps, nous nous en doutions. Mais comme vous ne vous décidiez pas, nous avons fini par croire à une simple amitié, et nous venons de promettre la main d'Amélie à Monsieur X. Ah, tenez, il sort d'ici il y a 5 minutes. Très morfondu, je me décide à demander la main d'une autre jeune fille. Il n'y avait pas 3 minutes que ma demande était faite qu'on m'annonce que Monsieur X, le fiancé d'Amélie, était mort la veille d'un coup de sang. Abandonner ma future, qui était fort bien, pour aller redemander la veuve avant la lettre, ma foi, non, et je me marie, après avoir fait attendre le maire, bien entendu. Mes retards perpétuels exaspèrent ma femme. Au bout de 15 jours, elle me dit des mots durs. Je lui en réponds de raides. Ma belle-mère s'en mêle, alors ça va plus mal. Enfin, un beau jour, je me dis « ça ne peut pas durer ». Il y avait plusieurs jours que nous nous boudions, ma femme et moi. C'était bien la 10e fois depuis 2 ans. J'entre dans sa chambre sans la prévenir. Il n'y avait plus de doute possible. Sur le premier moment, ça vexe. Et comme on ne sait quoi dire, on s'écrie toujours « Madame !» Et c'est tout. Je fais comme tout le monde. Je crie « Madame !» L'autre file. Ma femme se jette à mes genoux en s'écriant «

qu'on avalait à la rigueur. Maintenant, dès qu'on reçoit, on reçoit tout Paris. Et tout Paris, au temps où nous sommes, c'est bien réellement Paris tout entier, ville et faubourg. Quand on est chez soi, on est dans la rue. Il fallait bien trouver un remède. De là vient que chacun a son jour. C'est le seul moyen de se voir le moins possible. Et quand on dit « je suis chez moi le mardi », il est clair que c'est comme si on disait « le reste du temps, laissez-moi tranquille ». Je n'en ai que plus de tort de venir aujourd'hui, puisque vous me permettez de vous voir dans la semaine. Prenez votre parti et mettez-vous là. Si vous êtes de bonne humeur, vous parlerez. Sinon, chauffez-vous. Je ne compte pas sur grand monde aujourd'hui. Vous regarderez défiler ma petite lanterne magique. Mais qu'avez-vous donc? Vous me semblez... Quoi? Pour ma gloire, je ne veux pas le dire. Ma foi, je vous l'avouerai. Avant d'entrer ici, je l'étais un peu. Quoi? Je le demande à mon tour. Vous fâcherez-vous si je vous le dis? J'ai un bal ce soir, où je veux être jolie. Je ne me fâcherai pas de la journée. Eh bien, j'étais un peu ennuyée. Je sais ce que j'ai, c'est un mal à la mode, comme vos réceptions. Je me désole depuis midi, j'ai fait 4 visites sans trouver personne. Je devais dîner quelque part. Je me suis excusée sans raison. Il n'y a pas un spectacle ce soir. Je suis sortie par un temps glacé. Je n'ai vu que des nez rouges et des joues violettes. Je ne sais que faire, je suis bête comme un feuilleton. Je vous en offre autant, je m'ennuie à crier. C'est le temps qu'il fait, sans aucun doute. Le fait est que le froid est odieux. L'hiver est une maladie. Les badauds voient le pavé propre, le ciel clair, et quand un vent bien sec leur coupe les oreilles, ils appellent cela une belle gelée. C'est comme qui dirait une belle fluxion de poitrine. Bien obligé de ces beautés-là. Je suis plus que de votre avis. Il me semble que mon ennui me vient moins de l'air du dehors, tout froid qu'il est, que de celui que les autres respirent. C'est peut-être que nous vieillissons. Je commence à avoir 30 ans, et je perds le talent de vivre. Je n'ai jamais eu ce talent-là, et ce qui m'épouvante, c'est que je le gagne. En prenant des années, on devient plat ou fou, et j'ai une peur atroce de mourir comme un sage. Sonnez pour qu'on mette une bûche au feu. Votre idée me gèle. On entend le bruit d'une sonnette au dehors. Ce n'est pas la peine. On sonne à la porte, et votre procession arrive. Voyons quelle sera la bannière, et surtout tâchez de rester. Non, décidément, je m'en vais. Où allez-vous? Je n'en sais rien. Il se lève, salue, et ouvre la porte. Adieu, madame. À jeudi soir. Pourquoi jeudi? Le comte, debout, tenant le bouton de la porte. N'est-ce pas votre jour aux Italiens? J'irai vous faire une petite visite. Je ne veux pas de vous. Vous êtes trop maussade. D'ailleurs, j'y mène monsieur Camus. Monsieur Camus, votre voisin de campagne? Oui, il m'a vendu des pommes et du foin, avec beaucoup de galanterie, et je veux lui rendre sa politesse. C'est bien vous, par exemple, l'être le plus ennuyeux, on devrait le nourrir de sa marchandise. Et à propos, savez-vous ce qu'on dit? Non, mais on ne vient pas. Qui avait donc sonné? Le comte, regardant à la fenêtre. Personne. Une petite fille, je crois, avec un carton. Je ne sais quoi, une blanchisseuse. Elle est là dans la cour, qui parle à vos gens. Vous appelez cela je ne sais quoi? Vous êtes police et mon bonnet. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit de moi et de monsieur Camus? Fermez donc cette porte, il vient un vent horrible. Le comte, fermant la porte. On dit que vous pensez à vous remarier, que monsieur Camus est millionnaire, et qu'il vient chez vous bien souvent. En vérité, pas plus que cela. Et vous me dites cela au nez tout bonnement. Je vous le dis parce qu'on en parle. C'est une belle raison. Est-ce que je vous répète tout ce qu'on dit de vous aussi par le monde? De moi, madame? Que peut-on dire, s'il vous plaît, qui ne puisse pas se répéter? Mais vous voyez bien que tout peut se répéter, puisque vous m'apprenez que je suis à la veille d'être annoncée madame Camus. Ce qu'on dit de vous est au moins aussi grave, car il paraît malheureusement que c'est vrai. Et quoi donc? Vous me feriez peur. Preuve de plus qu'on ne se trompe pas. Expliquez-vous, je vous en prie. Ah, pas du tout. Ce sont vos affaires. Le comte, se rasseyant. Je vous en supplie, marquise. Je vous le demande en grâce. Vous êtes la personne du monde dont l'opinion a le plus de prix pour moi. L'une des personnes, vous voulez dire? Non, madame, je dis la personne. Celle dont l'esprit, le sentiment, la... Oh, ciel! Vous allez faire une phrase. Pas du tout. Si vous ne voyez rien, c'est qu'apparemment vous ne voulez rien voir. Voir quoi? Cela s'entend, de reste. Je n'entends que ce qu'on me dit. Et encore pas des deux oreilles. Vous riez de tout, mais sincèrement, serait-il possible que depuis un an, vous voyant presque tous les jours, faites comme vous êtes, avec votre esprit, votre grâce et votre beauté? Mais mon Dieu, c'est bien plus qu'une phrase. C'est une déclaration que vous me faites là. Avertissez au moins. Est-ce une déclaration ou un compliment de bonne année? Et si c'était une déclaration? Oh, c'est que je n'en veux pas ce matin. Je vous ai dit que j'allais au bal. Je suis exposée à en entendre ce soir. Ma santé ne me permet pas ces choses-là deux fois par jour. En vérité, vous êtes décourageante, et je me réjouirai de bon cœur quand vous y serez prise à votre tour. Moi aussi, je m'en réjouirai. Je vous jure qu'il y a des instants où je donnerais de grosses sommes pour avoir seulement un petit chagrin. Tenez, j'étais comme cela pendant qu'on me coiffait, pas plus tard que tout à l'heure. Je poussais des soupirs à me fendre l'âme, de désespoir de ne penser à rien. Raillez, raillez, vous y viendrez. C'est bien possible. Nous sommes tous mortels. Si je suis raisonnable, à qui la faute? Je vous assure que je ne me défends pas. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse la cour? Non, je suis très bonne personne. Mais quant à cela, c'est par trop bête. Dites-moi un peu, vous qui avez le sens commun, qu'est-ce que signifie cette chose-là, faire la cour à une femme? Cela signifie que cette femme vous plaît, et qu'on est bien aise de le lui dire. À la bonne heure. Mais cette femme, cela lui plaît-il à elle de vous plaire? Vous me trouvez jolie, je suppose, et cela vous amuse de m'en faire part. Eh bien, après, qu'est-ce que cela prouve? Est-ce une raison pour que je vous aime? J'imagine que si quelqu'un me plaît, ce n'est pas parce que je suis jolie. Qui gagne-t-il à ses compliments? La belle manière de se faire aimer que de venir se planter devant une femme avec un lorgnon, de la regarder des pieds à la tête, comme une poupée dans un étalage, et de lui dire bien agréablement « Madame, je vous trouve charmante. » Joignez à cela quelques phrases bien fades, un tour de valse et un bouquet, voilà pourtant ce qu'on appelle faire sa cour. Fi donc! Comment un homme d'esprit peut-il prendre goût à ces niaiseries-là? Cela me met en colère quand j'y pense. Il n'y a pourtant pas de quoi se fâcher. Ma foi, si! Il faut supposer à une femme une tête bien vide et un grand fond de sottise pour se figurer qu'on la charme avec de pareils ingrédients. Croyez-vous que ce soit bien divertissant de passer sa vie au milieu d'un déluge de fadaises et d'avoir du matin au soir les oreilles pleines de balivernes? Il me semble en vérité que si j'étais homme et si je voyais une jolie femme, je me dirais « Voilà une pauvre créature qui doit bien être assommée de compliments. Je l'épargnerais, j'aurais pitié d'elle, et si je voulais essayer de lui plaire, je lui ferai l'honneur de lui parler d'autre chose que de son malheureux visage. Mais non, toujours, vous êtes jolie. Et puis, vous êtes jolie. Et encore jolie. Eh, mon Dieu, on le sait bien. Voulez-vous que je vous dise? Vous autres hommes à la mode, vous n'êtes que des confiseurs déguisés. Eh bien, madame, vous êtes charmante. Prenez-le comme vous voudrez. » On entend la sonnette. On sonne de nouveau. Adieu, je me sauve. Il se lève et ouvre la porte. Attendez donc, j'avais à vous dire. Je ne sais plus ce que c'était. Ah, passez-vous par hasard du côté de Fossin dans vos courses? Ce ne sera pas par hasard, madame, si je puis vous être bon à quelque chose. Encore un compliment. Mon Dieu, que vous m'ennuyez! C'est une bague que j'ai cassée. Je pourrais bien l'envoyer tout bonnement, mais c'est qu'il faut que je vous explique. Elle ôte la bague de son doigt. Tenez, voyez-vous, c'est le chaton. Il y a là une petite pointe. Vous voyez bien, n'est-ce pas? Cela s'ouvrait de côté, par là. Je l'ai heurté ce matin, je ne sais où. Le ressort a été forcé. Dites donc, marquise, sans indiscrétion, il y avait des cheveux là-dedans. Peut-être bien. Qu'avez-vous à rire? je ne ris pas le moins du monde. Vous êtes un impertinent. Ce sont des cheveux de mon mari. Mais je n'entends personne. Qui avait donc sonné encore ? Le comte, regardant à la fenêtre. Une autre petite fille, et un autre carton. Encore un bonnet, je suppose. À propos, avec tout cela, vous me devez une confidence. Fermez donc cette porte, vous me glacez. Je m'en vais. Mais vous me promettez de me répéter ce qu'on vous a dit de moi, n'est-ce pas, marquise ? Venez ce soir au bal, nous causerons. Ah, parbleu, oui, causez dans un bal. Joli endroit de conversation, avec accompagnement de trombone et tintamarre de verre d'eau sucrée. L'un vous marche sur le pied, l'autre vous pousse le coude, pendant qu'un laquais tout poissé vous fourre une glace dans votre poche. Je vous demande un peu si c'est là. Voulez-vous rester ou sortir ? Je vous répète que vous m'enrhumez. Puisque personne ne vient, qu'est-ce qui vous chasse ? Le comte, fermant la porte et venant se rasseoir. C'est que je me sens malgré moi de si mauvaise humeur que je crains vraiment de vous excéder. Il faut décidément que je cesse de venir chez vous. C'est honnête. Et à propos de quoi ? Je ne sais pas, mais je vous ennuie. Vous me le disiez vous-même tout à l'heure, et je le sens bien, c'est très naturel. C'est ce malheureux logement que j'ai là en face. Je ne peux pas sortir sans regarder vos fenêtres, et j'entre ici machinalement, sans réfléchir à ce que j'y viens faire. Si je vous ai dit que vous m'ennuyiez ce matin, c'est que ce n'est pas une habitude. Sérieusement, vous me feriez de la peine. J'ai beaucoup de plaisir à vous voir. Vous ? Pas du tout. Savez-vous ce que je vais faire ? Je vais retourner en Italie. Ah ! Qu'est-ce que dira mademoiselle ? Quelle demoiselle, s'il vous plaît ? Mademoiselle je ne sais qui. Mademoiselle votre protégée. Est-ce que je sais le nom de vos danseuses ? Ah, c'est donc là ce beau propos qu'on vous a tenu sur mon compte. Précisément. Est-ce que vous niez ? C'est un conte à dormir debout. Il est fâcheux qu'on vous ait vu très distinctement au spectacle avec un certain chapeau rose à fleurs, comme il n'en fleurit qu'à l'opéra. Vous êtes dans les cœurs, mon voisin. Cela est connu de tout le monde. Comme votre mariage avec Monsieur Camus. Vous y revenez ? Eh bien, pourquoi pas ? Monsieur Camus est un fort honnête homme. Il est plusieurs fois millionnaire, son âge, bien qu'assez respectable, est juste à point pour un mari. Je suis veuve, et il est garçon. Il est très bien quand il a des gants. Et un bonnet de nuit, cela doit lui aller. Voulez-vous bien vous taire, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on parle de choses pareilles ? Dame, à quelqu'un qui peut les voir ? Ce sont apparemment ces demoiselles qui vous apprennent ces jolies façons-là. Le comte, se levant et prenant son chapeau. Tenez, marquise, je vous dis adieu. Vous me ferez dire quelques sottises. Quel excès de délicatesse ! Non, mais en vérité, vous êtes trop cruelle. C'est bien assez de défendre qu'on vous aime, sans m'accuser d'aimer ailleurs. De mieux en mieux. Quel temps tragique ! Moi, je vous ai défendu de m'aimer ? Certainement, de vous en parler du moins. Eh bien, je vous le permets. Voyons votre éloquence. Si vous le disiez sérieusement, que vous importe, pourvu que je le dise. C'est que tout en riant, il pourrait bien y avoir quelqu'un ici qui courut des risques. Oh, de grands périls, monsieur. Peut-être, madame, mais par malheur, le danger ne serait que pour moi. Quand on a peur, on ne fait pas le brave. Eh bien, voyons. Vous ne dites rien. Vous me menacez, je m'expose, et vous ne bougez pas. Je m'attendais à vous voir au moins vous précipiter à mes pieds comme Rodrigue, ou Monsieur Camus lui-même. Il y serait déjà à votre place. Cela vous divertit donc beaucoup de vous moquer du pauvre monde. Et vous, cela vous surprend donc bien, de ce qu'on ose vous braver en face? Prenez garde, si vous êtes brave, j'ai été hussard, moi, madame. Je suis bien aise de vous le dire, et il n'y a pas encore si longtemps. Vraiment? Eh bien, à la bonne heure. Une déclaration de hussard. Cela doit être curieux. Je n'ai jamais vu cela de ma vie. Voulez-vous que j'appelle ma femme de chambre? Je suppose qu'elle saura vous répondre. Vous me donnerez une représentation. On entend la sonnette. Encore cette sonnerie. Adieu donc, marquise. Je ne vous en tiens pas quitte, au moins. Il ouvre la porte. À ce soir toujours, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce donc que ce bruit que j'entends ? Le comte, regardant à la fenêtre. C'est le temps qui vient de changer. Il pleut et il grêle à faire plaisir. On vous apporte un troisième bonnet, et je crains bien qu'il y ait un rhume dedans. Mais ce tapage-là, est-ce que c'est le tonnerre ? En plein mois de janvier. Et les almanachs ? Non, c'est seulement un ouragan, une espèce de trombe qui passe. C'est effrayant. Mais fermez donc la porte. Vous ne pouvez pas sortir de ce temps-là. Qu'est-ce qui peut produire une chose pareille ? Le comte, fermant la porte. Madame, c'est la colère céleste qui châtie les carreaux de vitre, les parapluies, les mollets des dames et les tuyaux de cheminée. Et mes chevaux qui sont sortis. Il n'y a pas de danger pour eux s'il ne leur tombe rien sur la tête. Plaisantez donc à votre tour. Je suis très propre, moi, monsieur. Je n'aime pas à crotter mes chevaux. C'est inconcevable. Tout à l'heure, il faisait le plus beau ciel du monde. Vous pouvez bien compter, par exemple, qu'avec cette grêle, vous n'aurez personne. Voilà un jour de moins parmi vos jours. Non pas, puisque vous êtes venu. Posez donc votre chapeau qui m'impatiente. Un compliment, madame. Prenez garde, vous qui faites profession de les haïr, on pourrait prendre les vôtres pour la vérité. Mais je vous le dis, et c'est très vrai. Vous me faites grand plaisir en venant me voir. Le comte, se rasseyant près de la marquise. Alors laissez-moi vous aimer. Mais je vous le dis aussi. Je le veux bien. Cela ne me fâche pas le moins du monde. Alors laissez-moi vous en parler. À la hussarde, n'est-il pas vrai? Non, madame. Soyez convaincue qu'à défaut de cœur, j'ai assez de bon sang pour vous respecter. Mais il me semble qu'on a bien le droit, sans offenser une personne qu'on respecte, d'attendre que la pluie soit passée, n'est-ce pas? Vous êtes entrée ici tout à l'heure sans savoir pourquoi. Vous l'avez dit vous-même. Vous étiez ennuyé, vous ne saviez que faire. Vous pouviez même passer pour assez grognon. Si vous aviez trouvé ici trois personnes, les premières venues, là au coin de ce feu, vous parleriez, à l'heure qu'il est, littérature ou chemin de fer. Après quoi vous iriez dîner. C'est donc parce que je me suis trouvé seul que vous vous croyez tout à coup obligé, oui, obligé, pour votre honneur, de me faire cette même cour, cette éternelle, insupportable cour, qui est une chose si inutile, si ridicule, si rebattue. Mais qu'est-ce que je vous ai donc fait? Qu'il arrive ici une visite. Vous allez peut-être avoir de l'esprit. Mais je suis seule. Vous voilà plus banal qu'un vieux couplet de votre ville. Et vite, vous abordez votre thème. Et si je voulais vous écouter, vous m'exhiberiez une déclaration. Vous me réciterez votre amour. Savez-vous de quoi les hommes ont l'air en pareil cas? De ces pauvres auteurs sifflés qui ont toujours un manuscrit dans leur poche. Quelque tragédie inédite et injouable, et qui vous tient cela pour vous en assommant, dès que vous êtes seul un quart d'heure avec eux. Ainsi, vous me dites que je ne vous déplais pas, je vous réponds que je vous aime, et puis c'est tout à votre avis? Vous ne m'aimez pas plus que le grand turc. Oh, par exemple, c'est trop fort. Écoutez-moi un seul instant, et si vous ne me croyez pas sincère... Non, non et non. Mon Dieu! Croyez-vous que je ne sache pas ce que vous pourriez me dire? J'ai très bonne opinion de vos études, mais parce que vous avez de l'éducation, pensez-vous que je n'ai rien lu? Tenez, je connaissais un homme d'esprit qui avait acheté, je ne sais où, une collection de 50 lettres, assez bien faites, très proprement écrites, des lettres d'amour, bien entendu. Ces 50 lettres étaient gardées de façon à composer une sorte de petit roman, où toutes les situations étaient prévues. Il y en avait pour les déclarations, pour les dépits, pour les espérances, pour les moments d'hypocrisie où l'on se rabat sur l'amitié, pour les brouilles et pour les désespoirs, pour les instants de jalousie, pour la mauvaise humeur, même pour les jours de pluie comme aujourd'hui. J'ai lu ces lettres. L'auteur prétendait, dans une sorte de préface, en avoir fait usage pour lui-même, et n'avoir jamais trouvé une femme qui résistât plus tard que le 33e numéro. Eh bien, j'ai résisté, moi, à toute la collection. Je vous demande si j'ai de la littérature, et si vous pourriez vous flatter de m'apprendre quelque chose de nouveau. Vous êtes bien blasée, marquise. Des injures? J'aime mieux cela. C'est moins fat que vos sucreries. Oui, en vérité, vous êtes bien blasée. Vous le croyez? Eh bien, pas du tout. Comme une vieille anglaise, mère de 14 enfants. Comme la plume qui danse sur mon chapeau. Vous vous figurez donc que c'est une science bien profonde que de vous savoir tous par cœur. Mais il n'y a pas besoin d'étudier pour apprendre. Il n'y a qu'à vous laisser faire. Réfléchissez, c'est un calcul bien simple. Les hommes assez braves pour respecter nos pauvres oreilles et pour ne pas tomber dans la sucrerie sont extrêmement rares. D'un autre côté, il n'est pas contestable que, dans ces tristes instants où vous tâchez de mentir pour essayer de plaire, vous vous ressemblez tous comme des capucins de cartes. Heureusement pour nous, la justice du ciel n'a pas mis à votre disposition un vocabulaire très varié. Vous n'avez tous, comme on dit, qu'une chanson. En sorte que le seul fait d'entendre les mêmes phrases, la seule répétition des mêmes mots, des mêmes gestes apprêtés, des mêmes regards tendres, le spectacle une seule de ces figures diverses qui peuvent être plus ou moins bien par elles-mêmes, mais qui prennent toutes, dans ces moments funestes, la même physionomie humblement conquérante, cela nous sauve par l'envie de rire, ou du moins par le simple ennui. Si j'avais une fille, et si je voulais la préserver de ces entreprises qu'on appelle dangereuses, je me garderais bien de lui défendre d'écouter les pastorales de ses valseurs. Je lui dirais seulement, n'en écoute pas un seul. Écoute-les tous. Ne ferme pas le livre, et ne marque pas la page. Laisse-le ouvert. Laisse ces messieurs te raconter leurs petites drôleries. Si par malheur il y en a un qui te plaît, ne t'en défends pas. Attends seulement. Il en viendra un autre tout pareil, qui te dégoûtera de tous les deux. Tu as 15 ans, je suppose. Eh bien, mon enfant, cela ira ainsi jusqu'à 30, et ce sera toujours la même chose. Voilà mon histoire et ma science. Appelez-vous cela être blasé? Horriblement. Si ce que vous dites est vrai, et cela semble si peu naturel que le doute pourrait être permis. Qu'est-ce que cela me fait, que vous me croyez ou non? Encore mieux. Est-ce bien possible? Quoi, à votre âge, vous méprisez l'amour? Les paroles d'un homme qui vous aime vous font l'effet d'un méchant roman? Ses regards, ses gestes, ses sentiments vous semblent une comédie? Vous vous piquez de dire vrai? Et vous ne croyez que mensonge dans les autres? Mais d'où revenez-vous donc, marquise? Qu'est-ce qui vous a donné ces maximes-là? Je reviens de loin, mon voisin. Oui, de nourrice. Les femmes s'imaginent qu'elles savent toutes choses au monde. Elles ne savent rien du tout. Je vous le demande à vous-même. Quelle expérience pouvez-vous avoir? Celle de ce voyageur qui, à l'auberge, avait vu une femme rousse et qui écrivait sur son journal « Les femmes sont rousses dans ce pays-ci ». Je vous avais prié de mettre une bûche au feu. Le comte, mettant la bûche. Être prude, cela se conçoit. Dire non, se boucher les oreilles, haïr l'amour, cela se peut. Mais le nier, quelle plaisanterie! Vous découragez un pauvre diable en lui disant « Je sais ce que vous allez me dire. » Mais n'est-il pas en droit de vous répondre? « Oui, madame, vous le savez peut-être, et moi aussi, je sais ce qu'on dit quand on aime. Mais je l'oublie en vous parlant. Rien n'est nouveau sous le soleil, mais je dis à mon tour, qu'est-ce que cela prouve? » « À la bonne heure, au moins. Vous parlez très bien. À peu de choses près, c'est comme un livre. » « Oui, je parle. Et je vous assure que, si vous êtes telle qu'il vous plaît de le paraître, je vous plains très sincèrement. » À votre aise, faites comme chez vous. Il n'y a rien là qui puisse vous blesser. Si vous avez le droit de nous attaquer, n'avons-nous pas raison de nous défendre? Quand vous nous comparez à des auteurs sifflés, quel reproche croyez-vous nous faire? Eh mon Dieu, si l'amour est une comédie! Le feu ne va pas, la bûche est de travers. Le comte, arrangeant le feu. Si l'amour est une comédie, cette comédie vieille comme le monde, sifflée ou non, et au bout du compte, ce qu'on a encore trouvé de moins mauvais. Les rôles sont rebattus, je consens, mais si la pièce ne valait rien, tout l'univers ne le saurait pas par cœur. Et je me trompe en disant qu'elle est vieille. Est-ce être vieux que d'être immortel? Monsieur, voilà de la poésie. Non, madame, mais ces fadaises, ces balivernes qui vous ennuient, ces compliments, ces déclarations, tout ce radotage, sont de très bonnes anciennes choses, convenues, si vous voulez, fatigantes, ridicules parfois, mais qui en accompagnent une autre, laquelle est toujours jeune. Vous vous embrouillez. Qu'est-ce qui est toujours vieux? Et qu'est-ce qui est toujours jeune? L'amour. Monsieur, voilà de l'éloquence. Non, madame, je veux dire ceci. L'amour est immortellement jeune, et que les façons de l'exprimer sont et demeureront éternellement vieilles. Les formes usées, les redites, ces lambeaux de roman qui vous sortent du cœur, on ne sait pas pourquoi. Tout cet entourage, tout cet attirail, c'est un cortège de vieux chambellans, de vieux diplomates, de vieux ministres. C'est le caquet de l'antichambre d'un roi. Tout cela passe, mais ce roi-là ne meurt pas. L'amour est mort, vive l'amour. L'amour? L'amour. Et quand même, on ne ferait que s'imaginer. Donnez-moi l'écran qui est là. Celui-là? Non, celui de Taffetas. Voilà votre feu qui m'aveugle. Le comte, donnant l'écran à la marquise. Quand même, on ne ferait que s'imaginer qu'on aime. Est-ce que ce n'est pas une chose charmante? Mais je vous dis, c'est toujours la même chose. Et toujours nouveau, comme dit la chanson. Que voulez-vous qu'on invente? Il faut apparemment qu'on vous aime en hébreu. Cette Vénus qui est là sur votre pendule, c'est aussi toujours la même chose. En est-elle moins belle, s'il vous plaît? Si vous ressemblez à votre grand-mère, est-ce que vous en êtes moins jolie? Bon, voilà le refrain. Jolie. Donnez-moi le coussin qui est près de vous. Le comte, prenant le coussin et le tenant à la main. Cette Vénus est faite pour être belle, pour être aimée et admirée. Cela ne l'ennuie pas du tout. Si le beau corps trouvé à Milo a jamais eu un modèle vivant, assurément cette grande gaillarde a eu plus d'amoureux qu'il ne lui en fallait. Et elle s'est laissée aimer comme une autre, comme sa cousine Astarté, comme Asparzi et Manon Lescaut. Monsieur, voilà de la mythologie. Le comte, tenant toujours le coussin. Non, madame, mais je ne puis dire combien cette indifférence à la mode, cette froideur qui raille et dédaigne, cet air d'expérience qui réduit tout à rien, me font peine à voir à une jeune femme. Vous n'êtes pas la première chez qui je les rencontre. C'est une maladie qui court les salons. On se détourne, on bâille, comme vous en ce moment. On dit qu'on ne veut pas entendre parler d'amour. Alors pourquoi mettez-vous de la dentelle? Qu'est-ce que ce pompon-là fait sur votre tête? Et qu'est-ce que ce coussin fait dans votre main? Je vous l'avais demandé pour mettre sous mes pieds. Eh bien, l'y voilà. Et moi aussi. Je vous ferai une déclaration, bon gré mal gré, vieille comme les rues, et bête comme une oie, car je suis furieux contre vous. Il pose le coussin à terre, devant la marquise, et se met à genoux dessus. Voulez-vous me faire la grâce de vous ôter de là, s'il vous plaît? Non, il faut d'abord que vous m'écoutiez. Vous ne voulez pas vous lever? Non, non et non. Comme vous le disiez tout à l'heure, à moins que vous ne consentiez à m'entendre. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Elle se lève. Le comte, toujours à genoux. Marquise, au nom du ciel, cela est trop cruel. Vous me rendrez fou. Vous me désespérez. Cela vous passera au café de Paris. Le comte, de même. Non, sur l'honneur, je parle du fond de l'âme. Je conviendrai, tant que vous voudrez, que j'étais entrée ici sans dessein. Je ne comptais que vous voir en passant. Témoin cette porte que j'ai ouverte trois fois pour m'en aller. La conversation que nous venons d'avoir, vos railleries, votre froideur même, m'ont entraînée plus loin qu'il ne fallait peut-être. Mais ce n'est pas aujourd'hui seulement, c'est du premier jour où je vous ai vu, que je vous aime, que je vous adore. Je n'exagère pas en m'exprimant ainsi. Oui, depuis plus d'un an, je vous adore. Je ne songe. Adieu. La marquise sort et laisse la porte ouverte. Le comte, demeuré seul, reste un moment encore à genoux, puis il se lève et dit. C'est la vérité que cette porte est glaciale. Il va pour sortir et voit la marquise. Ah, marquise, vous vous moquez de moi. La marquise, appuyée sur la porte entrouverte. Vous voilà debout? Oui. Et je m'en vais pour ne plus jamais vous revoir. Venez ce soir au bal. Je vous garde une valse. Jamais. Jamais je ne vous reverrai. Je suis au désespoir. Je suis perdue. Qu'avez-vous? Je suis perdue. Je vous aime comme un enfant. Je vous jure sur ce qu'il y a de plus sacré au monde. Adieu. Elle veut sortir. C'est moi qui sors, madame. Restez, je vous en supplie. Ah, je sens combien je vais souffrir. La marquise, d'un ton sérieux. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous me voulez? Mais, madame, je veux, je désirais. Quoi? Car enfin vous m'impatientez. Vous imaginez-vous que je vais être votre maîtresse et hériter de vos chapeaux roses? Je vous préviens qu'une pareille idée fait plus que me déplaire. Elle me révolte. Vous, marquise, grand Dieu, s'il était possible, ce serait ma vie entière que je mettrais à vos pieds. Ce serait mon nom, mes biens, mon honneur même, que je voudrais vous confier. Moi, vous confondre un seul instant, je ne dis pas seulement avec ces créatures dont vous ne parlez que pour me chagriner, mais avec une autre femme du monde. L'avez-vous bien pu supposer? Me croyez-vous si dépourvu de sens? Mon étourderie, ou ma déraison, a-t-elle donc été si loin que de vous faire douter de mon respect? Vous qui me disiez tantôt que vous aviez quelque plaisir à me voir, peut-être quelque amitié pour moi, n'est-il pas vrai, marquise? Pouvez-vous penser qu'un homme ainsi distingué par vous, que vous avez pu trouver digne d'une si précieuse, d'une si douce indulgence, ne saurait pas ce que vous valez? Suis-je donc aveugle ou insensé? Vous, ma maîtresse, non pas, mais ma femme. Ah! Eh bien, si vous m'aviez dit cela en arrivant, nous ne nous serions pas disputés. Ainsi, vous voulez m'épouser? Mais certainement, je meurs d'envie. Je n'ai jamais osé vous le dire, mais je ne pense pas à autre chose depuis un an. Je donnerais mon sang pour qu'il me fût permis d'avoir la plus légère espérance. Attendez donc, vous êtes plus riche que moi. Oh, mon Dieu, je ne crois pas. Et qu'est-ce que cela vous fait? Je vous en supplie, ne parlons pas de ces choses-là. Votre sourire en ce moment me fait frémir d'espoir et de crainte. Un mot par grâce. Ma vie est dans vos mains. Je vais vous dire deux proverbes. Le premier, c'est qu'il n'y a rien de tel que de s'entendre. Par conséquent, nous causerons de ceci. Ce que j'ai osé vous dire ne vous déplaît donc pas? Mais non. Voici mon second proverbe. C'est qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Or, voilà trois quarts d'heure que celle-ci, grâce à vous, n'est ni l'un ni l'autre. Et cette chambre est parfaitement gelée. Par conséquent aussi, vous allez me donner le bras pour aller dîner chez ma mère. Après cela, vous irez chez Fossin. Chez Fossin, madame? Pourquoi faire? Ma bague? Ah, c'est vrai, je n'y pensais plus. Eh bien, votre bague, marquise. Marquise, dites-vous? Eh bien, à ma bague, il y a justement sur le chaton une petite couronne de marquise. Et comme cela peut servir de cachet... Dites donc, comte, qu'en pensez-vous? Il faudra peut-être ôter les fleurons? Allons, je vais mettre un chapeau. Vous me comblez de joie. Comment vous exprimer? Mais fermez donc cette malheureuse porte. Cette chambre ne sera plus habitable. Fin de « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ». Le succès imprévu du caprice donna l'idée aux artistes de la Comédie-Française de chercher parmi les ouvrages d'Alfred de Musset quelque autre pièce du même genre. Madame Allan des Préaux et M. Brindeau choisirent le proverbe « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée » publié par la Revue des Deux Mondes en 1845. Ce petit acte, joué sans aucun changement par les mêmes artistes que le caprice, fut écouté avec le même plaisir. Depuis le 7 avril 1848, qu'on l'a représenté pour la première fois, il est resté au répertoire du théâtre français. Fin de l'enregistrement. J'aime les femmes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. J'aime les femmes. Fantaisie en prose par Georges Lorrain. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'aime les femmes. Oh, mais je les aime comme ça. Il écarte les bras. Pas grosses comme ça. Non, énormément. De tout mon cœur. C'est si gentil, une femme. Non, les femmes. Toutes enfin. Les maigres. Oh, les maigres et les grosses! Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Tenez, l'autre jour, j'en suivais une. Moyenne, ni grosse ni maigre,

Je suis marié. » Fin de « J'aime les femmes » par Georges Lorrain, lu par Ezoa en Belgique en février 2009. Lui. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lui. Par Jacques Normand. À C. Coquelin. Je l'aimais. Elle était du Midi, brune et mince, ayant malgré Paris gardé de sa province un tout petit accent léger, naïf, charmant. Un accent, qu'ai-je dit ? Non, un gazouillement, quelque chose d'exquis, donnant à sa parole l'allure d'un oiseau qui sautille et s'envole. Encore plus que l'accent, elle avait de là-bas gardé le goût très vif. Ma foi, je ne sais pas comment dire. Elle aimait cette chose peu douce d'un parfum persistant dont on glisse une gousse dans l'os ou dans les flancs d'un gigot parfumé. C'est vous qui l'avez dit, je ne l'ai pas nommée. Elle l'adorait donc, la petite diablesse. Que voulez-vous ? C'était son unique faiblesse, faiblesse de naissance. Et moi, je l'exécrais toujours, avant, pendant, après, surtout après. Aussi, vil égoïste et tyran redoutable, l'avais-je à tout jamais proscrit de notre table. La pauvrette en souffrait, mais cachait son ennui, et, par amour pour moi, ne pensait plus à lui. Moins par vocation, hélas, que par caprice, Pomponnette, ce fut son nom, était actrice. Notre amour, frais éclos par un soir de printemps, fleurissait à l'ardent soleil de nos 20 ans. En nos deux cœurs chantait une éternelle fête. Oh, les petits soupers joyeux, en tête à tête, au retour du théâtre, en son boudoir coquet. Oh, tous les pantalons usés sur son parquet à lui faire l'aveu de ma tendresse folle. Ou bien, silencieux, sans la moindre parole, à caresser des doigts, à dévorer des yeux le trésor parfumé de ses sombres cheveux. Ah, tendre souvenir des premières années, fleur d'amour que le temps n'a point encore fanée. Donc, notre passion brûlait de tout son feu, et nous aimant beaucoup, nous nous quittions fort peu. Cependant, un beau jour, je dus, pour une affaire oubliée aujourd'hui, à coup sûr très vulgaire, quitter Paris pendant 24 heures au plus. Pomponnette eut gros cœur, pauvre fille, et je lus dans ses yeux, où brillait une larme réelle, un très profond chagrin de me sentir loin d'elle. Je partais à minuit par la gare du Nord. « Pars, » dit la brune enfant, tout en faisant effort pour me cacher son trouble et me donner courage. « Ne te tourmente pas, mon bon, je serai sage, et pendant ces 2 nuits et ces 2 jours, à toi je penserai toujours. Pense toujours à moi. » Après ce tendre aveu d'un amour idolâtre, je la laissai partir seule pour son théâtre. Puis je fis mes paquets et quittai la maison. « Êtes-vous comme moi ? Mais en toute saison, pendant les 12 étés ou les hivers barbares, j'ai la plus sainte horreur de poser dans les gares. Je tâche d'arriver ni trop tôt ni trop tard. 5 minutes, pas plus, juste avant le départ. Cette fois, ma lenteur à choisir mes cravates, plus le pas hésitant d'un cheval à 3 pattes, plus un encombrement survenant tout exprès, me firent arriver 5 minutes. Après. 5 minutes, pas plus, comme à mon habitude. J'étais exact encore dans l'inexactitude. Oserais-je le dire? Ayant alors 20 ans, je ne fus qu'à moitié fâché du contretemps. Grâce à l'infirmité de ce cheval honnête, j'allais jusqu'au matin revoir ma Pomponnette. En son premier sommeil, j'allais tout doucement surprendre mon ami, et ce serait charmant. Je montai l'escalier sans bruit, ouvris la porte. Oh, bonheur! Tout à coup, ma surprise est trop forte. Je vois dans la nuit noire un lumineux rayon qui, sur le parquet sombre allongeant son sillon, sort du boudoir coquet où volait ma tendresse. J'approche à petits pas, j'écoute. Oh, la traîtresse ! Oh, l'infâme ! J'entends un double bruit de voix. Frémissant de surprise et de rage à la fois, j'applique un œil ardent au trou de la serrure. Plus de doute à présent, la trahison est sûre. Je l'aperçois, assise et pleine de gaieté, soupant, avec quelqu'un sans doute à son côté, quelque rival heureux qu'elle me substitue. Ah, dans ces moments-là, je comprends que l'on tue. Pourtant, près de pousser la porte, j'hésitais. Mais je voulus savoir toute la vérité. Être, ou bien n'être pas. Et j'entrai dans la chambre. Rose comme la neige au soleil de décembre, Pomponnette bondit sur sa chaise et sauta. Elle était seule avec sa soubrette Augusta. « Où l'avez-vous cachée ? » lui dis-je avec furie. « Cachée ? Qui ? Que dis-tu ? » ?»« Point de plaisanterie, » répondis-je. « Il est là. Je le sens. » « Eh bien oui, » me dit-elle, « mon bon, c'est un crime inouï, mais je puis invoquer des excuses majeures, car avant ton retour, j'avais mes 24 heures. » « C'en est trop. Sans pudeur, sans nul ménagement, elle ose m'avouer. » Dans mon emportement, je m'élance vers elle, effarée, redoutable. Quand tout à coup, passant à côté de la table, je perçois un fumet proscrit qui doucement monte d'un bon gigot bien doré, bien fumant, dont le flanc est marqué de plus d'un coup de lame. La lumière se fait aussitôt dans mon âme. Ce rival préféré que je croyais enfui, c'était... ce n'était pas... en un mot, c'était lui. Me croyant éloignée pour 2 jours, la pauvrette ce soir s'était offert cette petite fête, et ne résistant point à son goût enragé, libre par mon départ, elle en avait mangé. Ah, quel soulagement! Elle m'était fidèle! Le cœur tout palpitant, je m'élançai vers elle, et dans un doux baiser, « Oh, que je t'aime, ah !» Non, je ne le dirai pas, cet exécrable nom. Point n'est besoin d'apprendre à présent, je suppose, que le souper fut loin d'être morose, que ce premier baiser ne fut pas le dernier. Quant à moi, très heureux, je ne puis le nier, de voir que mes soupçons s'envolaient en fumée, affamé, j'attaquai la... chose parfumée. Oh, surprise! Oh, bonheur! Je sentis tout à coup ma haine d'autrefois et mon ancien dégoût s'atténuer soudain et devenir tendresse. Je dégustai gaiement auprès de ma maîtresse ce fin piment, celui que je n'ai point nommé. Et depuis ce temps-là, je l'ai toujours aimé. Fin de Lui, par Jacques Normand, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Madame Barbasson. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Madame Barbasson par Octave Pradel. Par un jour de printemps, je devins amoureux. Oui, moi, Barbasson. Dans ce cœur valeureux qui se croyait de roc, l'amour fit une entaille. Et ce front, qui jamais ne rêva que bataille et lutte gigantesque, eut des pensées plus doux. Miette, tout un mois, me tint à ses genoux. Mais aussi quelle femme! Une déesse, un ange! Des yeux noirs longs d'un pied, et pleins d'un charme étrange, une taille invisible, un col flexible et rond, des cheveux à couvrir toute la Joliette, un torse, oh, mes amis, auprès de ma Miette on aurait appelé Vénus un laideron, sa jambe du Paros, ses lèvres des grenades, un sourire enchanteur, un pied de Lilliput, une voix parcourant en brillante cascade 3 octaves au moins, du si grave au contrut. Bref, un trésor divin. Quand je lui dis « Je t'aime, je serai ton époux, je serai ton amant », elle eut, vous le pensez, un éblouissement. Barbasson pour mari, c'était l'idéal même. La noce fut superbe, et je le fus aussi. Pourtant, le lendemain, je l'eus comme un souci sur son front ravissant. « Qu'as-tu donc, ma chère âme ?»« Oh, mon cher Barbasson, » dit-elle, « votre femme est heureuse et charmée. Eh bien, en ce beau jour, elle voudrait encore, comme preuve d'amour, que vous renouveliez pour elle une prouesse, que pour votre colombe, ô splendide ramier, vous fassiez, en cela vous êtes coutumier étant maître en courage, en force, en hardiesse, quelque chose de grand et d'impossible. Été, si ce n'est que cela, Miette, en vérité, je ne peux refuser ta première requête. Alors, plongeant mon front dans mes mains, je pensai 1 minute ou 2. Puis, relevant la tête, c'est fait. De cet exploit, le plan est tout tracé.

fausse sortie. Mesdames, avant que je sorte, un conseil dans l'intimité. N'écoutez jamais à la porte, ce n'est pas un bon procédé. Ou bien alors, je vous propose de bien écouter jusqu'au bout. Car à se tromper, l'on s'expose si l'on n'a pas entendu tout. Fin de La Petite Révoltée par Georges Feydeau. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en octobre 2008. La prostituée. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La prostituée par Évariste Carence. Voulez-vous m'écouter, monsieur le commissaire? Mon histoire n'est point méchante ou téméraire. Vos agents m'ont surprise et conduite en prison, car la faiblesse a tort et la force a raison. Avant de condamner, on doit toujours entendre. Mon état fait horreur, j'en conviens. Je dois vendre mon corps pour quelques sous, et je vais chaque jour flétrir les mots sacrés de tendresse et d'amour. Mais ne comprenez-vous ce qu'il en coûte à l'âme avant de s'engager dans cette route infâme? Écoutez. Le travail s'arrête brusquement. On connaît de la faim l'indicible tourment. On râle auprès de vous. Alors la mère abdique et pour sauver l'enfant devient femme publique. Mon récit sera court. C'est un récit poignant. Avez-vous jamais vu pleurer un pauvre enfant que la faim courbe en deux sur un grabat de paille? Ah, personne ne rit et personne ne raille. C'est une chose triste, allez. On sent le cœur qui se laisse envahir par la sombre terreur. Dieu s'efface et n'est plus que l'esprit des ténèbres. Les rayons du soleil sont pâles et funèbres. Vous criez. Votre enfant se meurt. Oh, désespoir! Vous avez 30 fois fouillé dans le tiroir qui gardait autrefois votre épargne modeste. Mais le tiroir est vide et pas un sou ne reste. Pas de pain, pas de feu. Le petit va mourir. Sur le cours, on entend les amis du plaisir. Ils sont heureux. Ils ont du pain pour la famille. Mon petit va mourir. Comme son regard brille. À me faire un adieu suprême, il se résout. La fièvre a redressé son corps. Il est debout, il s'approche de moi, chancelant et livide. Il vient. Entendez-vous de cette lèvre aride s'échapper ces deux mots? J'ai faim. Entendez-vous? J'entendis cet appel et tombant à genoux, je demandai pardon à l'être chaste et frêle. Oh, monsieur, je me dis que j'étais criminel et, ne pouvant répondre aux cris de mon enfant, je lui donnai tremblant un verre de mon sang. Mon fils se ranima. Comme un sourire d'ange effleura ce visage à la pâleur étrange. Je le vis s'endormir, presque calme et vermeil. Moi, tandis qu'il dormait, j'attendais le réveil, car la terrible faim, un instant assouvie, allait venir encore. Oh, l'implacable envie, contre tous les puissants, contre tous les heureux, me torturait. Le ciel me paraissait affreux. De grands nuages noirs, la lune était voilée. Je descendis alors, pieds nus, échevelés, et devant un passant, je m'arrêtai soudain. Le passant prit mon corps et me donna du pain. Et depuis, chaque soir que le besoin nous compte, je nourris mon enfant du produit de ma honte. Et rêvant quelquefois à l'honnête passé, je sers d'amusement à ce monde insensé. Ouvrez-moi la prison, monsieur le commissaire, mon récit est fini. Je connais mon affaire, 2 mois sans voir l'enfant. Si l'on savait combien je l'aime, ce petit, c'est mon unique bien. C'est en mon cœur meurtri le seul amour qui vibre. Le commissaire dit. Femme, vous êtes libre. Fin de La prostituée, lu par Ezoa, en Belgique, en février 2009. Si majeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Si majeur, par Marc Anfossi. Elle allait rendre son ouvrage. Moi, je la suivais bêtement, comme ça, sans savoir comment ni pourquoi. Ce jour, justement, elle allait rendre son ouvrage. Elle avait à peu près cet âge où, terminant l'apprentissage, on peut sortir impunément,